C'est bonjour à toutes, c'est samedi et aujourd'hui c'est le premier rendez-vous avec une nouvelle formule de votre émission. Je vais vous présenter l'histoire d'un groupe, Shalamar. C'est un groupe de funk américain formé en 1977. Il fut créé par un agent de la mission télé, Soul Train. Au début, il est constitué de Jeffrey Daniels, Howard Hewitt et Judy Whitley. Jeffrey Daniels est né le 24 août 1955 à Los Angeles. Il est à la fois chanteur, musicien, danseur et chorégraphe. Il sera d'ailleurs l'un des initiateurs du moonwalk dans l'émission télévisée Soul Train. Et Michael Jackson était l'un de ses plus grands fans. C'est lui qui a inspiré le moonwalk. Alors, Howard Hewitt est lui né le 1er octobre dans l'Ohio. 1er octobre 1955. Il y a grandi avant de vivre à Los Angeles. Il fera la rencontre d'une danseuse de Soul Train qui le met en contact avec les futurs membres de Shalamar. Alors, Judy Whitley, quant à elle, est née le 30 janvier 59 à Chicago. Et son influence a été, son idole, on va dire, de jeunesse, c'était Diana Ross. Et elle a fait ses débuts dans l'émission Soul Train à l'âge de 14 ans. Quelle sacrée émission, me direz-vous. Alors, le premier succès du groupe est un medley de tubes de la Motown, Uptown Festival, paru sur l'album du même nom en 1977. Alors, cela va passer relativement inaperçu, car les musiciens sont encore inconnus à cette époque. L'année suivante, l'apparition de Disco Garden les propulse en haut des hits. Le titre « Take That to the Bank » va atteindre la 11e place des hits US et 20e en Angleterre. On va s'en payer une tranche. This weather, you and I, still. En 1979, il travaille avec le producteur Leon Silvers et signe avec Solar Records. Leur single « The Second Time Around » de l'album d'or « Big Fun » est tout de suite un gros succès avec 1 million d'exemplaires vendus aux États-Unis et il va trosser les meilleures places dans les charts. L'album, lui, va s'écouler à plus de 600 000 exemplaires. Deux autres singles en seront extraits. « Right in the Socket » et « I Owe You One ». On va quand même s'écouter « The Second Time Around » avant de passer à la suite. Le début de la décennie suivante va se poursuivre sur sa lancée. Three for Love sort fin 1980 et sera certifié disque de platine. Il atteindra la 8e place des ventes et sera classé 43e meilleur album de l'année. Trois singles en seront extraits, dont le célèbre Make That Move, vendu à 535 000 exemplaires. Pour Shalamar, la consécration arrive en 1982, alors que le disco a rangé ses paillettes et s'est retrouvé remplacé par le virage funky. Le trio est souriant, positif, à l'image de leur maison de disques Solar, qui signifie entre autres Sound of Los Angeles Records. Malheureusement, les tensions au sein du groupe ne font qu'empirer et, ironie du sort, l'album dont est extrait A Night to Remember s'intitule Friends. Autant vous dire que l'amitié initiale a volé en éclats. Mais l'essentiel, c'est que cette nuit mémorable du groupe Shalamar soit devenue un classique tout aussi inoubliable. Get ready, get ready, get ready, get ready. Tonight, tonight, tonight, tonight. Gonna make this a night to remember. Get ready, get ready, get ready, get ready. Tonight. Alors, Jody Whitley et Jeffrey Daniels décident de quitter le groupe après la réalisation de leur album The Look au printemps 1983. Désormais, Delisa Davis et Mickey Free deviennent membres de Shalamar. Jody Whitley entame une carrière solo plus que brillante et non sans succès. De l'album sera tiré 4 singles, dont Over and Over, que nous allons écouter juste après. La chanson Dead Giveaway a été nommée aux Grammy Awards. Le 33 tours atteindra la 7e place en Angleterre et sera disque d'or aux États-Unis et aussi en Angleterre. C'est parti pour l'écoute. Over and over. La suite sera moins glorieuse. En 1984, ils arrivent au US Top 20 avec le hit Dancing in the Sheets, figurant sur la bande originale du film Footloose. Ils remportent également un Grammy grâce à leur chanson Don't Get Stop in Beverly Hills en 1986. Mais cette année-là, Howard Hewitt se résout à poursuivre une carrière solo et se fait remplacer par Sidney Justin. Le groupe enregistre un dernier album, Circumstantial Evidence, en 1984, qui malheureusement sera un échec total. Les nouveaux membres du groupe ont essayé d'enchaîner une dernière tentative en 1990 en réalisant l'album Wake Up, avant de s'éclipser de la scène musicale en 1991. Shalamar va réapparaître en 2005 avec Howard Hewitt, Jeffrey Daniels et la chanteuse Caroline Griffey, fille de Dick Griffey, à l'occasion d'une émission de télé. Sachant que j'adore le morceau There Is It, je vous propose de conclure ce premier numéro avec lui. Je vous dis bon samedi, bonne semaine et à samedi prochain. Bye bye.